96.2. La FM en couleur. Ma chante pour bon ça. Nouvelle douleur, c'est le monde qui est bon faire un petit goûter. Pas pour si mal, encore ma débague à la découvrir. Pour ma crie, ça m'a été qu'à manger pas chaud. Si mal m'en est doublé, qui a dit moi son monde qui m'a élevé. C'est misé sa quête pour mon lait, mettre bon bon, ou même mettre bon bon. De pas couteau et à balle qui m'est pour et bon. Au revoir, au revoir, bachaï. Gonel, papou, biaï. Baptiste, mette maï. Pour ma lave la caille. Aïe, à la goût, à la goût. De votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne avec le maximum de très bons sons, du coup pas du zou, du zouk rétro, du coup pas rétro. Enfin bon, vous connaissez l'émission jusqu'à 20h, ça se passe comme ça, cette ambiance en soleil. On va continuer après le groupe Impossible. Je vous propose de continuer avec le groupe original H. Ah, c'est pas tout jeune, mais moi j'adore ce morceau. Baby madame. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Si bien ensemble, malgré nos différences, il me semble, notre nom pas le même. Pour exemple, pour qu'on est beau, on est chanceux, on fait même des envieux. On donne toujours l'impression d'être heureux. Nous poster seulement 5 positifs, mais la société pas pour qui j'en avais. Baby my love, baby my love. Oh, you can make me pay for the fall. reste entre toi et moi. Vous pensez que nous pas qu'on ne fâché. Que vos familles en mine n'a pas passé. Dans toute relation, nous connaît qu'on a intention.

Le groupe Dapod dans votre émission Groupe Tropical. Il paraît que toutes les femmes sont amoureuses du chanteur. C'était Pedro avec ce titre Karma sur le 96.2. La musique continue. Tiens, encore une petite nouveauté pour tous les fanatiques du compas. Le titre c'est Piment. Et puis bien sûr, je vous laisse deviner qui à la base. C'est monsieur Lucas Seb. Enfin, c'est quand il veut, hein, parce que Pedro, il s'incruste. Allez, 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. je ne trouve jamais les mots, non, non. J'ai aimé en silence, j'ai tout gardé en moi. Je vois encore ton visage dans tous mes rêves, j'entends ta voix. Je commence à crier, crier, je t'aime depuis le premier jour. Je ne fais que prier, prier, mériter ton amour. Je commence à crier, crier, comme tous les jours. Et je ne fais que prier, prier, pour mériter ton amour. Tout ce moment pense qu'à vine envahir moi. Que toutes les carines montent ni à guerre moi. C'est la vie triste, car sous la piste, bébé, des absences à. Des absences à. De Jimmy Devarieux. Le titre que vous voulez l'entendre, c'est L'ennui tombé sur le 96.2. Et toi, ça commence à tomber aussi chez nous. Hein. Allez, pour tous les fanatiques, grande page compa. On va y aller. Du matin, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui les accompagne. Mèm sou volan, yon pye sou gaz, lòt la soufre m pa ka kouti. E mwen pa alkolik, non non. Ma ka li le polis, non non. E mwen pa alkolik, non non. Pa ka li le polis, non non. Baby, I gave you all my love. Stay, I never know. Girl, you left me so confused. Remember when you loved me, was I regular? And everything we used to have, don't just sell it off. Say you had enough, I kept giving up. But after everything, still baby, I gave you all my love, all my love, all my love. Tell me why you hurt me like this. Tell me why you wanna do me dirty like that. Say why you give me up. Et un jour elle va contre une douleur. Ne vous pas chercher mes marchés pour conflit. And I'm never looking back, girl, I'm moving on. Yeah, yeah, yeah, yeah. What time is it? Good harmonie. La FM en couleur. En couleur. Chaque jeudi, 18h-20h, c'est votre émission Groupe Tropical. aller chercher l'eau, celui-là. Je peux vous dire que la poussière de la veille sur le 96.2, c'était Gypsy de Pétionville en live. Il a du mal à rester assis quand même. Tout de suite, ce qui suit. Ben, ça ne veut même pas s'arrêter d'ailleurs. Allez, on reste sur la cadence avec T-Vice. Et rappelez-vous ce titre-là. Je crois que si vous n'avez pas dansé là-dessus, et qu'on ne prend rien, vous n'êtes pas les fanatiques du compas. h 20, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est qu'on va l'abandonner. Si nous chauffons, tout le monde est en haut.

fè mwen sa. Ti mwen fè sa. Ti mwen vè si ma pre ou la gè. 16 codes que je refouille. Attends un petit peu pour pas changer. Je dirais pas que j'étais en train de m'endormir, mais pas le point. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les Zoukretros, bien sûr, vous avez reconnu Jean-Luc Alger avec ce titre et son malheureux. C'était extrait de l'album Nazaire. Les grands succès des années 90. Allez, petite nouveauté pour vous donc, sur le 96.2 avec Sémis, c'est ma première danse. 18h20, votre émission Groupe Tropical. Je préfère me noyer dans tes yeux. Quoi qu'il se passe, à deux on tiendra le coup. Si on s'unit aujourd'hui, c'est qu'on le veut. Ton papa m'a dit prends soin d'elle. Aujourd'hui la princesse devient reine. Ce soir tout le monde va trinquer à la nôtre. Dans tes yeux je ne vois que d'étincelles. On fera jamais semblant. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ce sera plus jamais toi sans moi. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ce sera toi la dernière. Je t'ai choisi pour la première danse, baby. Je ne vois que toi quand tu me laisses. Pour la première danse, je sais que t'as des frissons. Je sais que tu sais, si tu sais, je sais, j'ai les épaules. Repose-toi sur moi, tu m'as hypnotisé. Pour t'apaiser, s'il le faut, je chanterai pour toi. On fera jamais sans moi. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ce sera plus jamais toi sans moi. Je veux promet, qu'on se le promet. Oh, oh, la dernière, je t'ai choisi pour la première danse, bébé. Ne vois que toi, mon Dieu, merci. Pour la première danse, je serai frissant. C'est toi et moi pour la vie, nos cœurs battent à l'unisson. C'est toi et moi pour la vie. Oh, my God. c'est nous qui vraiment la d'abord. Et même mon coup de prière, mes prénoms sincères, si ma salve est des seigneurs, tout nous m'en pas prêt. Dis ça ne m'en pas prêt. Nous voulons me connaître, mais on joue avec la bonne coup. Et c'est nous dernière fois, moi fini avec nos coups. Nous ne pas sincères, fais ça, nous voulons me pas prêt. Je fuis le mot, je suis désolé de vous décevoir. Mon cœur en a assez de ces erreurs, des mêmes histoires. Vos erreurs, mes mêmes allergies. Bouquet plein et bouquet souffrir. Je fuis le mot, je t'aime, j'ai peur d'être seul dans le noir. Assis dans le même fond, épuisé le fond de ma mémoire. T'as qu'à bailler, personne garantie. C'est pour me déplaire, fait qu'à midi. C'est nous femmes vagabonds. Oui, c'est nous femmes vagabonds. Et puis, hey, d'un boudin. Et puis, samedi, à m'en vais dans. Viens, j'en sens vagabond. J'aurai dit femmes vagabonds. Et puis, hey, d'un boudin. Et puis samedi, à m'en vais dans. Yeah. Chaque jeudi entre 18h et 20h sur Radio Arc-en-Ciel.

Dans notre émission Groove Tropical, c'était le groupe Zafen, qui a eu aussi le trophée du meilleur groupe de Compa 2024. Rien que ça. En tout cas, j'adore cet album. Il y a plusieurs titres là-dessus. Bah, c'est tout dernier album, hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Mais le titre que vous venez d'entendre, c'est ça. Tombe le soleil. Bon, tiens, petit retour en arrière. Non, non, je vous propose autre chose. Attends, parce que celui-là, il est meilleur. Pour terminer l'émission. Ils sont toujours là, nouvel album en 2024, c'est Volo Volo avec Memories. Okay. José Mourinho está em desvantagem por 2 golos nesta primeira mão.